sens que cette vite noire. Pour régler l'histoire, ça va vite dans la nuit, je peux même plus m'y dormir. Autre chose contradictoire, mais j'arrête pas d'y penser. Que je dépense, ils sont bien dans séquence. Ils voudraient savoir le prix de ma chaîne, ils veulent tous avoir une biche comme la mienne. Ils voudraient mon train de vie, je sais, j'ai même pas fini de me peaufiner. Trop de flow, Pinterest, je peux apparaître sur ton Pinterest. MVP, no quicksand, je resterai un poste en tu fesses. Remplir ma poche, attendu comme le week-end. Y'a que le gang dans la loge. J'ai perdu maintenant saut dans le range. J'me donne chaud comme une migraine. Y'a que mon gang dans la loge. Dans la loge. J'sais qu'elle kiffe ma shape. J'ai pas le temps, j'dois faire un break. J'suis en train de lever le parfum. J'suis comme une cac dans le clip de check. Une fois qu'une tasse dans le 16. Investissement vers le egg. Si tu veux le faire, c'est diamant sur ma chaîne, elle veut tirer sur ma top. Je veux des billets comme dans Blur. J'ai plein de raisons. Je travaille sans cesse avant que je parte au gym. En plus, tu sais, moi le prodige. Faut que t'applaudisses. Avant que je parte, il m'en faut 10. Il rend sa foi, j'improvise. Y'a beaucoup de sel rap, beaucoup de saisie, beaucoup de bif. Y'a beaucoup de salaire, beaucoup de flic. Y'a beaucoup de bif. Et depuis que j'en plus de barrettes, j'ai laissé les arrêtes. Moi depuis des années, j'ai mangé les arrêtes. Tu sais que c'est pas pareil, Dieu. Des bonbonnes remplies, c'est tout une remplie. J'envoie des ballons, j'suis comme Michael. J'ai compris que sans sucer Dieu, c'est plus compliqué. J'ai fait trop de tickets, j'fais les fonds sous Prodigy. Remplir ma poche, attendu comme le week-end. Y'a que le gang dans la loge. J'ai perdu maintenant saut dans le monde. Je me donne chaud comme une migraine, y'a que mon gang dans la loge, dans la je loge. Je sais qu'elle kiffe ma shape. J'ai pas le temps, j'dois faire un break. J'suis en train de lever le parfum. J'suis comme une cac dans clic de check. Une fois en pleine tasse dans le 16, investissement vers le egg. Si tu veux faire, c'est non. Des diamants sur ma chaîne, elle veut tirer sur ma tote. J'fais des billets comme dans Blow. J'ai plein de raisons. J'travaille sans cesse avant que j'parte, faut 10 raisons. J'ai pas grand chose à dire, 31 mai, voilà.